Le mois de mai, c'est le mois de l'arbre et la forêt. La coopérative de camionnage de Saint-Félicien sait ce que représente la forêt. La coopérative représente plus de 35 camionneurs, transporteurs et chargements de bois, ainsi que des chargeuses en forêt. Les bureaux de la coopérative de camionnage sont situés au 905 boulevard Amel Saint-Félicien. Pour les rejoindre, composez le 418-679-4194. La coopérative de camionnage est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et la forêt. En Medveille, est-ce qu'on a vécu vraiment des belles émotions hier à Delbeau-Sessny? Shane Gauthier qui a été repêché par les Blue Bombers de Winnipeg en quatrième ronde. Question de savoir comment que ça, que le lendemain de veille, comment ça s'est passé la nuit. On lui parle. Salut Shane! Shane, je pense que tu t'es couché tard, hein? Je pense que tu t'es couché très tard. Un petit peu, mais ça va bien. OK. On a fêté ça comme là, ça. Là, ça fait quoi? Ça fait un petit peu plus que 15 heures que maintenant c'est fait. Comment tu te sens hier? C'est sûr qu'on t'a parlé hier, vraiment sur le coup de l'émotion. On a eu un coup au point de presse qu'on va diffuser tout à l'heure. Mais là, les nerfs ont tombé un peu ce matin en se levant. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Réponds. T'as deux secondes. Réponds, dis que je t'occupe. Oui. Dans le fond, les nerfs ont tombé, oui, aujourd'hui, ça fait du bien. Tout est fait, maintenant j'ai hâte d'avoir des nouvelles, savoir le quand il est quand. Puis tout, comment ça va marcher les prochaines semaines, là. Fait que hier, ils m'ont dit qu'ils allaient m'appeler pour me dire okay. Ça. Fait que je vais attendre cet appel-là avec impatience, puis j'ai hâte de savoir comment ça va marcher. Là, évidemment, t'as-tu eu beaucoup d'appels, parce que là, je pense que t'es vieux d'être dérangé, je pense que le téléphone a pas arrêté encore, là. Non, ben, justement, le téléphone vient de sonner, donc j'ai fait répondre quelqu'un d'autre pour me dire que je t'occupe. OK, mais... Non, le téléphone n'arrête pas, c'est assez terrible. Shane, si on parlait maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la tête, là? Évidemment, on t'a vu hier, t'étais nerveux, puis à quelque part, c'est bien correct de même, là, mais tu vérifiais, puis on s'attendait entre la deuxième et la quatrième ronde. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un gars, là? Mettons, vers le coup de 7h05, à peu près, là, quand ça commence. Ben, je savais que les deux premières rondes, je pense pas que je faisais partie de tout ça, fait que je n'étais pas trop stressé. J'étais content pour mes amis du Rouge-et-Or qui ont été tous repêchés en première ronde. T'essayes d'apprécier les petits moments comme ça. Oui, ça sonne encore. Donc ça, évidemment, ça ne rougit pas encore ce matin. Là. Mais donc... Par la suite, évidemment, on s'entendait que Philippe Gagnon et également Charles Vaillancourt allaient être sélectionnés. Donc ça, déjà là, en partant, mais on l'avait dit entre la deuxième et la quatrième ronde. Puis là, par la suite, à partir de la quatrième, de la troisième ronde, j'imagine que là, on est encore plus nerveux. Là, quand est-ce que ça va sortir? Oui, c'est sûr. La pression augmente, puis tu sais pas c'est quand ça va arriver, fait que c'est stressant un petit peu. Mais ça s'est bien déroulé, ça n'a pas été trop long. Début de quatrième ronde, fait que j'étais bien content, puis la pression a tombé après ça. Okay. C'était vraiment une belle soirée en plus, il y avait beaucoup de monde. Je sais pas si tu as vu la photo du quotidien ce matin, une photo incroyable. D'ailleurs, tu fais la première page du quotidien. Quand on dit qu'une photo vaut mille mots, là, la photo du quotidien, je sais pas si tu as eu l'occasion de la voir, on te voit. Si tu l'as pas vu, on... Oui. Qu'est-ce qui s'est dit au moment que la photo était prise? Qu'est-ce qui se disait dans... Ben, sur la photo, je suis en train de parler à Mike O'Shea, le coach en chef, le coach en chef de Winnipeg. Puis, je me disais, ben, j'étais vraiment content d'être repêché par cette organisation-là. C'est un peu bizarre parce que sur la télé, c'était marqué que c'était Toronto qui choisissait. Ouais. Puis sur mon téléphone, quand ça sonnait, c'était marqué Toronto aussi. Fait que dans ma tête, je m'en allais à Toronto. Okay. Mais finalement, c'était Winnipeg qui m'appelait puis qui me disait qu'il avait changé le choix pour m'apprendre. Puis, OK. C'était vraiment un moment incroyable. Olivier Poulin, qui est le relationniste de la Ligue canadienne de football du côté francophone et mon collaborateur à sport.com. On a parlé amplement de toi aujourd'hui. Puis on parlait de Winnipeg, de l'endroit où est-ce que tu t'en allais. Puis Olivier dit, Mike O'Shea, c'est un homme qui est un gars qui, en plus d'être l'entraîneur-chef, c'est l'entraîneur des unités spéciales. Puis c'est un joueur qui sait c'est quoi les unités spéciales. Donc certainement que ça doit être aidé à quelque part, là. Oui, c'est certain. Je pense qu'il a vu un potentiel en moi sur les unités spéciales. Puis je pense que c'est une des meilleures places que je pouvais m'en aller dans les Canadiennes. Là, je suis vraiment content de pouvoir faire partie. Parce qu'un joueur canadien qui est capable de jouer sur l'unité spéciale, c'est le pain et le beurre de l'équipe. Là. Moi, je me rappelle toujours ce que Charles-Antoine Sinotte me dit. Shane Gauthier va rentrer par les Canadiennes par les unités spéciales. Il a raison quand il dit ça, mais c'est ça que j'ai l'intention de faire aussi. Je vais faire ma marque là-dessus, Je pense qu'avec Mike Aucher, ça va être une belle place. Hey, Winnipeg, on entend dire que les nuits sont longues à Winnipeg. Ça peut-tu être plus long qu'à Dolbeau? T'es-tu content de t'en aller là? Non, oui, je suis vraiment content. Pour vrai, c'est... Quand j'ai fait mes interviews au camp d'évaluation, Winnipeg, ça a été une de mes interviews préférées. Okay. Le GM puis Mike Aucher était là. Puis il avait vraiment l'air d'aimer le style de joueur que j'étais. Puis ça a été une de mes entrevues préférées. Fait que je suis content de pouvoir évidemment, les gens sont déçus un peu que ce soit pas les Alouettes. Ça a passé proche. Ce que j'ai su hier après-midi, c'est que les Alouettes t'avaient contacté hier après-midi. Donc, tu étais également dans les plans des Alouettes. Probablement, mais t'as plus aucun pouvoir là-dessus. C'est pas toi qui choisis. Fait que... Là, c'est les Blue Bombers de Winnipeg. Il y a plusieurs partisans qui vont changer d'équipe, probablement. Puis Winnipeg, apparemment, Shane, la ville de Winnipeg, c'est vraiment, ils ont vraiment un attachement vers leur équipe, les Bombers. Donc, tu t'en vas vraiment, là, on fait la blague que Winnipeg, c'est triste, là, mais tu t'en vas dans une ville de football, parce que les Bombers, c'est important. Là. C'est pas comme à Toronto avec les Argonauts, là, que c'est une équipe parmi tant d'autres. Je suis pas inquiète pour ça. Je pense que chaque équipe a son groupe de partisans. Puis je pense qu'à Winnipeg, ça va être le fun. Mais en plus, je vais retrouver deux de mes anciens coéquipiers qui jouent là. Ça va être Le Rouge et Or, t'es éligible à cette dernière année. Tu penses pas à ça du tout, là? Non, ben présentement, je pense à mon camp professionnel. Je veux tout donner à ce camp-là pour être en mesure de jouer l'année prochaine. Okay. S'il arrive quelque chose, là, on regardera pour une dernière saison, peut-être universitaire, mais pour le moment, pour me concentrer. Shane, on va te suivre beaucoup. On te suit beaucoup depuis que tu es avec le Rouge et Or. Puis dès le début du camp d'entraînement, j'aimerais avoir des contacts avec toi pour savoir qu'est-ce qui se passe. Yeah. OK. Shane Gauthier de Dolbeau, Mississippi, devient le premier joueur à être natif du coin. Tu es repêché par l'équipe des Canadiens.